la sens et sa puissance, de monument à l'autre mot. Pour fêter la famille dont les rois se peuplent à grand fondu, au brisant de des écus, dans une ronde folle. Aujourd'hui, sans piédestal, aujourd'hui, sans piédestal. Et Satan, quand il le vaille, quand il le vaille, et Satan, quand il le vaille, quand il le vaille. Dans sa gloire et l'histoire, le masse abject dans ses casiers. Il confond l'orage étrange à ses pieds les hommes humains, ses ruelles et frères romains, dans le sang et dans la fange. Oubliez l'or en métal, oubliez l'or en métal. Et Satan, quand lui le bail, quand lui le bail, Satan, quand lui le bail, quand lui le bail. Yeah. chaud rasique, yeux chauds.